Hola família, benvinguts i benvingudes. Això és Hola la Música, el programa de música en francès que us porta, que us presenta Rafael Corbí. Avui amb qui començarem el nostre espai del programa que ens arribarà mateix i que com sempre és un plaer presentar i portar-vos. Hola la Música amb número 96 en la música des del 1976. D'aquest intèrpret, l'Eric Chardin, que ens acompanyarà amb l'àlbum C'est vous la vie, amb la cançó del mateix nom. Comencem aquest programa. Les enfants sont magiciens, leurs maisons sont roses et bleues, leurs usines sont des jardins, et leurs parents sont heureux. Dans leur boîte à chaussures, y a pas qu'un petit mouton, la nature, les quatre saisons, les chemins de l'aventure, on s'en va. Oh yeah! Regarde la banlieue, c'est la Méditerranée, c'est même beaucoup mieux. Regarde Paris, on dirait bien l'Italie. Enfin, si tu veux, quand je ferme les yeux. Les boulevards mènent au paradis. Sur le toit de leur maison, les gens chantent des chansons. Et c'est champagne pour tout le monde. Y'a des clochards en gibus, Laurel et Hardy sont fous, ils ont piqué un autobus. On s'en va, oh yeah. Regarde la banlieue, on dirait bien Hollywood. Et c'est merveilleux. Jane Kelly, et n'est pas ici, c'est moi qui vous le dis. C'est bon la vie. Doncs sí, preciós recordar la seva música amb el programa d'avui i ho farem amb 5 de les 10 cançons d'aquest àlbum del 1976, d'aquest disc d'un artista fantàstic, nascut com Jacques Poussin el 15 d'octubre del 1942 a Haiphong, al Vietnam, durant la Segona Guerra Mundial. Va morir de càncer a l'edat de 69 anys, el 29 d'abril de 2012. Eric Chardin, s'anomenava cantant i compositor, famós per la seva col·laboració amb Annie Gautreau, coneguda com Stone, amb qui van formar Stone i Chardin, precisament d'aquí el vàrem conèixer nosaltres, amb un dels nostres programes. El seu pare era francès, treballava d'enginyer de ports a França i arreu del món. La seva mare era tibetana, va tornar a França, a Marsella, el 1950, es va graduar i, com hem dit, al costat de la Annie Gautreau van rebre la Legió d'Honor el 2012, poc abans de la seva mort de càncer, com he dit, el 1969. Va editar diversos àlbums, moltíssims, fins al 2012 encara n'anava produint aquest. De fet, en va ser el que era el seu setè àlbum, incloent-hi una compilació. El primer va ser el 1964, aquell famós àlbum anomenat Tinc el cap ple de Provença. C'est vous la vie va ser publicat per Charles Teller Records el 1976 i avui escoltarem, amb aquest toc fantàstic que té la seva música, que a mi m'encanta, alguna de les cançons que en formaven part, com aquest ritme esplèndid que acabeu d'escoltar amb els primers minuts. Aquell mateix 1976 1976, no, l'any anterior, el 1975, va crear, perquè va viure un temps al Quebec i també va estar treballant als Estats Units, la comèdia musical Mayflower, la història del vaixell Mayflower que s'emportava cap al Nou Món el 1620 els primers emigrants britànics al costat d'avui, Bontempelli, va fer-la a l'escripció, aquesta comèdia musical. Doncs bé, disfruteu d'aquestes cançons des del 1976 amb els primers minuts d'Aula a la Música d'Eric Sheldon. Que j'ai trouvé hier soir, locataire de cette guitare, pour jouer ma chanson. Que j'ai trouvé hier soir, locataire de cette guitare, pour jouer ma chanson. T'écrirai de là où je serai bien fatigué, voyager. Je t'écrirai de Buenos Aires, le cœur guitare plein de tendresse, mon petit amour. Sur la photo, je t'écrirai de l'Hawaï si tu voyais comme c'est joli. j'arriverai peut-être en Chine. Je reviendrai un petit peu vers toi, le cœur distrait. Je viendrai comme ça. Parle de lui n'importe comment, n'importe quand. Je le connais bien, c'est un petit gars bien quinquin. Et sur la tête de son âme, je vous jure que je suis l'homme d'une seule femme. Qu'il a paumé sa dernière carte d'identité, mais qu'il s'en fout, le bien comme ça, loup-garou. Et sur la tête de son âme, je vous jure que je suis l'homme d'une seule femme. Si je vous dis qu'il roule en jean, c'est pas le miroir des magazines. Je l'ai vu hier soir avec des girls, des divines. Et sur la tête de son âme, je vous jure que je suis l'homme d'une seule femme. Oui, sur la tête de son âme, je vous jure que je suis l'homme d'une seule femme. Et si je vous dis qu'il rêve en bleu de trucs bizarres, c'est pas sérieux. Au petit matin, il se prend pour lui, pas pour Dieu. Et sur la tête de son âme, je vous jure que je suis l'homme d'une seule femme. Oui, sur la tête de son âme, je vous jure que je suis l'homme d'une seule femme. Je sais, j'aurais pu te garder. Je sais, j'aurais pu faire durer. Faire une guerre de 100 ans de nos deux amours morts-vivants. Je sais, j'aurais pu essayer souvent, pour bien moins j'ai lutté. Je sais, peut-être tu l'espérais, mais j'ai préféré te laisser vivre à ton idée. Je vieillis dans les années 75. Parfois je me pose des question, je tords pour raison, mais l'enfant que tu m'as fait est près de moi. Et quand je le regarde, j'oublie tout ça, c'est pour lui que je vis. L'amour qui me reste au cœur, il est pour lui. Je vieillis dans les années 75. Pour lui, je sais que je vais changer. Un lâche devient héros pour une idée. De l'eau qui dort, il faut se méfier. Les plus grandes tempêtes y sont nées. Et je vais bousculer ma vie, me rendre sourd à tous ces cris, piétiner mes vieux sentiments, mentir passionnément. Mourir de faire semblant. Et puis vieillir dans les années 75. Et puis vieillir dans les années 75. Eric Chardin, magnífic amb les interpretacions que ens ha portat amb aquest el nostre programa d'avui. Hem escoltat una bona part de les seves bones cançons des d'aquest 1976 i l'àlbum C'est bon la vie que us havíem comentat. Bé, si us sembla, seguim, però seguirem amb una veu femenina, amb una veu esplèndida que també la vàrem escoltar amb el nostre programa i que ens va fer preguntar-nos què més hi havia de música per part d'ella. Il était un fois era un disc recopilatori que es va publicar d'ella el 2010. D'aquí parlem de Nicole Martin, una excel·lent intèrpret que ara mateix també ens conduirà alguna de les cançons que formaven part des d'aquest àlbum, d'aquest triple àlbum que avui recordem. Anem per al disc número 1, una foto de tu, això és el que necessito. Thank you. repassarem avui alguna d'aquestes cançons de la seva carrera artística a càrrec de la Nicole Martin, aquesta cantant que ens arribava des del Quebec. Escoltarem cançons. Va néixer el 29 de setembre de 1949 a la població de Donnacona. Va morir també 69 anys a Montreal, a Quebec, el 19 de febrer del 2019. Caràcter en solitari durant anys de la seva carrera i també uns retorns, anades i vingudes en el món de la música. La primera d'elles va ser amb el debut de la seva carrera el 1965 i fins al 1970. Després, una primera pausa que va realitzar, va retornar anys després, crec que el 1979, i finalment el 1988 retornava, el 1998 retornava també al món de la música, i ho feia el 2008 amb una altra participació. Per tant, també una mica com el Guadiana, que sempre deien que anava i venia segons la seva manera. Autora, compositora, intèrpret, també havia participat en programes de televisió i productora de diferents espais també. Una veu, com heu pogut escoltar amb aquesta cançó, magnífica i que ens conduïa als començaments de la seva carrera artística. Amb cançons com aquesta, o per exemple també amb la primera Nit d'amor. Je t'ai rencontré un jour et plus jamais je n'oublierai la joie qu'on trouve à aimer. Jamais, jamais je n'oublierai la première nuit d'amour. Avui, bàsicament, escoltem quatre de les cançons que van formar part del seu primer àlbum en solitari. Bé, us he parlat de la seva carrera, però és que la seva carrera també, igual que les seves anades i vingudes, va tenir una petita concessió a diferents estils i a una carrera en solitari. Ella va començar el 65 amb un duo amb el cantant Frédéric Vaudreau. Era així, Nicole et Frédéric, que van interpretar música junts finalment fins al 1970, bàsicament, a Montreal i a les regions del Quebec. Es va separar i després el productor Tony Roman la va transformar en Zerra, un personatge estrany, diferent, que cantava rock a un estil com Jane Joplin i que, a part d'alguna de les seves cançons, també interpretava cançons de Joe Cocker, Julie Discoll, Jane Joplin, Richard Charlebois i d'altres, però també Johnny Winter, Procol Harum, Jeff Thull, All Group, Chicago. El 1971 va ser quan amb el productor Yves Martin ella va canviar el seu estil musical i també va passar a cantar sota el seu nom, aquest de Nicole Martin, que us acabem de dir. I ho va fer amb un primer àlbum, que es deia La primera nit d'amor, del qual hem escoltat aquests dos grans èxits que en van ser aquesta foto, una foto de tu, i La primera nit d'amor, però també en dos altres temes que van sonar moltíssim, que són els dos que escoltarem a continuació amb el nostre espai. Són la peça Te tourner et te bouge i Ton mon ami, mon amour, les dues cançons de la Nicole. Pourquoi la terre tourne-t-elle autour de moi? Et pourquoi donc tous ces émois? Pourquoi toutes ces étoiles dans les yeux? Est-ce bien la cause de tes yeux? Il en faut de si peu. Tout tourne et tout bouge, le temps est si beau. Tout bouge, le temps est si beau. Pourquoi l'hiver est-il pour moi un mois de mai? La neige tombe, l'enfant crie. Et dans mon âme j'ai trouvé un tout petit puits. Et ça c'est pour les mauvais jours. Il est plein de ton amour. Tout tourne et tout bouge, le temps est si beau. J'ai tout, tout, tout, tout, tout, tout appris de toi. J'ai tout, tout, tout, tout, tout de toi. J'ai tout, tout, tout, tout, tout de toi. J'ai tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout appris de toi. Et dans ce voyage où l'on court, il m'est arrivé quelquefois de penser que sans ton amour, ma vie serait triste et sans joie. Chaque jour, quand je m'éveille entre tes bras, après une nuit avec toi, et dans ce voyage au long cours, il m'est arrivé quelquefois de penser que sans ton amour, ma vie serait triste et sans joie. Toi, tu es l'image de l'amour. Toi, tu fais mon bonheur chaque jour. Toi, tu es le soleil de ma vie. Toi, tu es mon Doncs així seguim, perquè el nostre programa vol estar al vostre costat. Això és Olala Música, el programa que ens arriba, com sempre, amb la companyia d'un servidor. I és que al vostre costat un se sent realment fantàstic, veritat? Esteu escoltant Olala Music amb Rafael Corbí. Doncs sí, seguirem, perquè tenim molta més música per anar a escoltar. Quatre cançons, quatre, a càrrec de Graham Allwright. Això es diu, doncs, bona música, senzillament. No hi ha més cosa a dir. Després en parlem. Petite boîte, très étroite. Petite boîte, faites un tiki-taki. Petite boîte, petite boîte, petite boîte. Tout pareil, y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki, elles sont toutes, toutes pareilles. Et ces gens-là dans leur boîte rentrent tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, toutes pareilles. Y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous, tous faits de tiki-taki, ils sont tous. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous, tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Graham Allwright, va néixer el 7 de novembre de 1926, cantant, compositor de Wellington, de Nova Zelanda. Va viatjar, es va traslladar a la Gran Bretanya per esdevenir un comediant, però el 1948 se'n va anar cap a França. Treballava com a comediant, com a criador de vins, com a, doncs, a l'escena també es desenvolupava molt bé, amb un psiquiatre per treballar d'infermer. I va començar a interpretar i escriure cançons de folk uns anys després en diversos cabarets de París i, doncs mira, coses de la vida, va firmar per Sonogram. Als anys 60, conjuntament amb les seves pròpies cançons de protesta, va traduir al francès tota una sèrie de cançons escrites per Leonard Cohen, Tom Paxton o Pete Seeger. I als anys 70 es va convertir realment en una personalitat prou important, prou famosa. Però de manera voluntària va decidir escapar de l'univers del show business i ho va fer viatjant a través del món, i això va fer que tingués una via, doncs, bastant paral·lela. Va ser el introductor de la cançó protesta a França. Un dels seus grans, una de les seves grans inspiracions va ser en Buddy Guthrie, i jo no sé si va esdevenir, però diuen els experts que va ser una de les grans icones de l'atmosfera musical del maig del 68. L'acabarem d'escoltar, o els escoltarem, en tres cançons més de les que hem volgut recuperar per al programa d'avui. A veure si us sonen. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui?

d'un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin. Il se penche vers l'amour, il se penche comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une blessure étrange dans ton cœur. Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Gràcies, Àngel. Doncs sí, i el que farem ara és continuar ja la recta final. Una d'aquelles recomanacions que els nostres oients ens envien de tant en tant va ser la del tenista, ja ho havien dit en un anterior programa, van dir que anirien repassant la seva música. Tenista i després músic, jo suposo que ho feia tot, però això ho deixava per quan no estava a la pista. Yannick Noah, recordem que va ser un dels grans tenistes de la història, nascut a Sedan, a Granest, el 18 de maig de 1960, i que una vegada va deixar el tennis, es va dedicar a la música de manera més o menys promocional. Va començar amb aquell Black or White, el 1991, amb aquell famosíssim tema Saga Àfrica, i cantant tant en francès com en anglès, ens va portar alguna de les seves cançons, també cantant amb altres idiomes més del seu origen, per dir-ho així. Avui escoltarem alguna de les cançons que ens va portar des d'un dels seus àlbums, concretament quan la Saix és el disc del que es traurem alguna d'aquestes cançons. Des mystères ailleurs que les mots éphémères. Appel à la pluie, à la guerre, visible à l'invisible, épreuve ou prière. Quand la danse, quand la danse à la terre. Quand je danse, la terre est ma terre. chaman ou vaudou ou sanguinaire, nuptial animal, gorger les artères, poussière primaire soulevée vers les terres, parler quand même quand il faut se taire, quand la danse, quand la danse à la terre, quand je danse. Je danse la terre et ma terre. Música i la companyia de Yannick Noah des d'aquest àlbum que al principi va portar el seu nom i que després Sony Music es va encarregar també de distribuir sota el nom de, del títol d'aquesta cançó que escoltarem a continuació, que va ser un dels dos senzills d'èxits abans de la publicació de l'àlbum com avançaments que van sorgir d'aquest disc d'aquest cantant que avui també repassem amb el nostre programa. Quand je ne crois plus à mes rêves ou que je fisse des autres, moins souvent mon poing se lève, je ne suis plus des vôtres. Et quand j'oublie ce que je crois, il me redonne la foi. Alors j'entends, j'entends, j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. Se détourne quand je préfère ne pas savoir et que mon âme devient sourde. Quand j'oublie ce que je vois, il me remontre la voix. Alors j'entends, j'entends, j'entends la voix des sages et je chante avec eux. Bombs on the bin of me, bombs on the bin of me, bombs on the bin of me.